Chapitre 8e. Quelques heures à Bénarès. La grande route était maintenant ouverte devant Steamhouse, cette route qui, par Sasram, allait nous conduire à la rive droite du Gange, en face de Bénarès. Un mille au-delà du campement, la machine ralentie prit une allure plus modérée, soit environ 2,5 lieues à l'heure. L'intention de Banks était de camper le soir même à 25 lieues de Gaïa et de passer tranquillement la nuit aux environs de la petite ville de Sasram. En général, les routes de l'Inde évitent autant que possible les cours d'eau qui nécessitent des ponts, lesquels sont assez coûteux à établir sur ces terrains de formation alluvionnaire. Aussi sont-ils encore à construire en beaucoup d'endroits où il n'a pas été possible d'empêcher une rivière ou un fleuve de barrer le chemin. Il est vrai, le bac est là, cet antique et rudimentaire appareil qui, pour transporter notre train, eût été insuffisant, à coup sûr. Fort heureusement, nous pouvions nous en passer. Précisément, pendant cette journée, il fallut franchir un important cours d'eau, la Saône. Cette rivière, alimentée au-dessus de Rotas par ses affluents du Coput et du Coil, va se perdre dans le Gange à peu près entre Arras et Dinapore. Rien ne fut plus aisé que ce passage. L'éléphant se transforma tout naturellement en moteur marin. Il descendit la berge sur une pente douce, entra dans le fleuve, se maintint à sa surface, et de ses larges pattes battant l'eau comme les aubes d'une roue motrice, il entraîna doucement le train qui flottait à sa suite. Le capitaine Hod ne se tenait pas de joie. « Une maison roulante, s'écria-t-il, une maison qui est à la fois une voiture et un bateau à vapeur. Il ne lui manque plus que des ailes pour se transformer en appareil volant et franchir l'espace. « Cela se fera un jour ou l'autre, ami Hod, répondit sérieusement l'ingénieur. « Je le sais bien, ami Banks, répondit non moins sérieusement le capitaine. « Tout se fera, mais ce qui ne se fera pas, ce sera que l'existence nous soit rendue dans 200 ans pour voir ces merveilles. La vie n'est pas gaie tous les jours, et cependant, je consentirai volontiers à vivre 10 siècles, par pure curiosité. » Le soir, à 12 heures de Gaïa, après avoir franchi le magnifique pont tubulaire qui porte le railway à 80 pieds au-dessus du lit de la Saône, nous campions aux environs de Sasram. Il n'était question que de passer une nuit en cet endroit pour refaire le bois et l'eau et de repartir à l'aube naissante. Ce programme fut exécuté de tout point et le lendemain matin, 22 mai, avant ces heures brûlantes que nous réservait l'ardent soleil de midi, nous avions repris notre route. Le pays était toujours le même, c'est-à-dire très riche, très cultivé, tel il apparaît aux abords de la merveilleuse vallée du Gange. Je ne parlerai pas des nombreux villages qui se perdent au milieu des immenses rizières, entre les bouquets de palmiers tara à l'épais feuillage en voûte, sous l'ombrage des manguiers et autres arbres de magnifiques venues. D'ailleurs, nous ne nous arrêtions pas, si, parfois, le chemin était barré par quelques charrettes traînées au palan des ébus, 2 ou 3 coups de sifflet la faisaient ranger et notre train passait au grand ébahissement des rayons. Pendant cette journée, j'eus le plaisir charmant de voir bon nombre de champs de roses. En effet, nous n'étions pas éloignés de Ghazipore, grand centre de production de l'eau ou plutôt de l'essence faite avec ses fleurs. Je demandai à Banks s'il pouvait me donner quelques renseignements sur ce produit si recherché, qui paraît être le dernier mot de l'art en matière de parfumerie. « Voici des chiffres, cher ami, me répondit Banks, et ils vous montreront combien cette fabrication est coûteuse. 40 livres de roses sont préalablement soumises à une sorte de distillation lente sur un feu doux, et le tout donne environ 30 litres d'eau de rose. Cette eau est jetée sur un nouveau paquet de 40 livres de fleurs dont on pousse la distillation jusqu'au moment où le mélange est réduit à 20 livres. On expose ce mélange pendant 12 heures à l'air frais de la nuit et le lendemain on trouve, figé à sa surface, quoi ? Une once d'huile odorante. Ainsi donc, de 80 livres de roses, quantité qui, dit-on, ne contient pas moins de 200 000 fleurs, on n'a retiré finalement qu'une once de liquide. C'est un véritable massacre. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que même dans le pays de production, l'essence de rose coûte 40 roupies ou 100 francs l'once. Eh ! Répondit le capitaine Hod. « Si pour fabriquer une once d'eau-de-vie, il fallait 80 livres de raisin, voilà qui mettrait le grog à un fier prix. » Pendant cette journée, nous eûmes encore à franchir la Karamnaka, l'un des affluents du Gange. Les hindous ont fait de cette innocente rivière une sorte de Styx, sur lequel il ne fait pas bon naviguer. Ses bords ne sont pas moins maudits que les bords du Jourdain ou de la mer morte. Les cadavres qu'on lui confie, elle les porte tout droit à l'enfer brahmanique. Je ne discute pas ces croyances. Mais quant à admettre que l'eau de cette diabolique rivière soit désagréable au goût et malsaine à l'estomac, je proteste. Elle est excellente. Le soir, après avoir traversé un pays très peu accidenté, entre les immenses champs de pavots et le vaste damier des rizières, nous campions sur la rive droite du Gange, en face de l'antique Jérusalem des hindous, la ville sainte de Bénarès. « 24 heures de halte, » dit Banks. « À quelle distance sommes-nous maintenant de Calcutta ? » demandai-je à l'ingénieur. « À 350 000 environ, » me répondit-il. « Et vous avouerez, mon cher ami, que nous ne sommes aperçus ni de la longueur du chemin, ni des fatigues de la route. » Le Gange. Est-il un fleuve dont le nom évoque de plus poétiques légendes ? Et ne semble-t-il pas que toute l'Inde se résume en lui ? Est-il au monde une vallée comparable à celle qui, pour diriger son cours superbe, se développe sur un espace de 500 lieues et ne compte pas moins de 100 millions d'habitants ? Est-il un endroit du globe où plus de merveilles aient été entassées depuis l'apparition des races asiatiques ? Qu'aurait donc dit du Gange Victor Hugo qui a si fièrement chanté le Danube ? Oui, on peut parler haut, quand on a comme une mer Saoul, quand sur le globe on se déroule, comme un serpent et quand on roule, de l'Occident à l'Orient. Mais le Gange à Saoul, ses cyclones, plus terribles que les ouragans du fleuve européen, lui aussi se déroule comme un serpent dans les plus poétiques contrées du monde, lui aussi coule de l'Occident à l'Orient. Mais ce n'est pas dans un médiocre massif de collines qu'il va prendre sa source, c'est de la plus haute chaîne du globe, c'est des montagnes du Tibet qu'il se précipite en absorbant tous les affluents de sa route, c'est de l'Himalaya qu'il descend. Le lendemain, 23 mai, au soleil levant, la large nappe d'eau miroitait devant nos yeux. Sur le sable blanc, quelques groupes d'alligators de grande taille semblaient boire les premiers rayons du jour. Ils étaient immobiles, tournés vers l'astre radieux, comme s'ils eussent été les plus fidèles sectateurs de Brahma. Mais quelques cadavres, qui passaient en flottant, les arrachèrent à leur adoration. Ces cadavres que le courant emporte, on dit qu'ils flottent sur le dos quand ce sont des hommes, sur la poitrine quand ce sont des femmes. Je pus constater qu'il n'y a rien de vrai dans cette observation. Un instant après, les monstres se jetaient sur cette proie que leur fournissent quotidiennement les cours d'eau de la péninsule et ils l'entraînaient dans les profondeurs du fleuve. Le chemin de fer de Calcutta, avant de se bifurquer à Allahabad pour courir sur Delhi, au nord-ouest et sur Bombay, au sud-ouest, suit constamment la rive droite du Gange dont il économise par sa rectitude les nombreuses sinuosités. À la station de Mogul Sarai, dont nous n'étions éloignés que de quelques milles, un petit embranchement se détache, qui dessert Bénarès en traversant le fleuve et par la vallée de la Gumti va jusqu'à Jaunpur sur un parcours d'une 60 kilomètres. Bénarès est donc sur la rive gauche, mais ce n'était pas en cet endroit que nous devions franchir le Gange, c'était seulement à Allahabad. Le géant d'acier resta donc au campement qui avait été choisi la veille au soir, 22 mai. Des gondoles étaient amarrées à la rive et prêtes à nous conduire à la ville sainte que je désirais visiter avec quelque soin. Le colonel Munro n'avait rien à apprendre, rien à voir de ces cités si souvent visitées par lui. Cependant, ce jour-là, il eut un instant la pensée de nous accompagner, mais après réflexion, il se décida à faire une excursion sur les rives du fleuve en compagnie du sergent McNeil. En effet, tous deux quittèrent Steamhouse avant même que nous ne fussions partis. Quant au capitaine Hood, qui avait déjà tenu garnison à Bénarès, son intention était d'aller voir quelques-uns de ses camarades. Donc, Banks et moi, l'ingénieur avait voulu me servir de guide, nous fûmes les seuls qu'un sentiment de curiosité allait entraîner vers la ville. Lorsque je dis que le capitaine Hood avait tenu garnison à Bénarès, il faut savoir que les troupes de l'armée royale ne résident pas habituellement dans les cités hindoues. Leurs casernes sont situées au milieu de cantonnements qui, par le fait, deviennent de véritables villes anglaises. Ainsi, à Allahabad, ainsi à Bénarès, ainsi en d'autres points du territoire, où non seulement les soldats, mais les fonctionnaires, les négociants, les rentiers se groupent de préférence. Chacune de ces grandes cités est donc double, l'une avec tout le confort de l'Europe moderne, l'autre ayant conservé les coutumes du pays et les usages hindous dans toutes leurs couleurs locales. La ville anglaise annexée à Bénarès, c'est Sekrol, dont les bungalows, les avenues, les églises chrétiennes sont peu intéressants à visiter. Là se trouvent aussi les principaux hôtels que recherchent les touristes. Sekrol est une de ces cités toutes faites que les fabricants du Royaume-Uni pourraient expédier dans des caisses et que l'on remonterait sur place. Donc, rien de curieux à voir. Aussi, Banks et moi, après nous être embarqués dans une gondole, nous traversâmes obliquement le Gange de manière à prendre tout d'abord une vue d'ensemble de ce magnifique amphithéâtre que décrit Bénarès au-dessus d'une haute berge. « Bénarès, me dit Banks, est, par excellence, la ville sacrée de l'Inde. C'est la Mecque hindoue, et quiconque y a vécu, ne fût-ce que 24 heures, est assuré d'une part dans les félicités éternelles. On comprend dès lors quelle affluence de pèlerins une telle croyance peut provoquer, et quel nombre d'habitants doit compter une cité à laquelle Brahma a réservé des immunités de cette importance. On donne à Bénarès plus de 30 siècles d'existence. Elle aurait donc été fondée à peu près à l'époque où Troie allait disparaître, après avoir toujours exercé une très grande influence, non politique mais spirituelle, sur l'Hindoustan. Elle fut le centre le plus autorisé de la religion bouddhique jusqu'au IXe siècle. Une révolution religieuse s'accomplit alors. Le brahmanisme détruisit l'ancien culte. Bénarès devint la capitale des brahmanes, le centre d'attraction des fidèles, et l'on affirme que 300 000 pèlerins la visitent annuellement. L'autorité métropolitaine a conservé son raja, la ville sainte. Ce prince, assez maigrement appointé par l'Angleterre, habite une magnifique résidence à Ramnagur sur le Gange. C'est un authentique descendant des rois de Kassi, ancien nom de Bénarès, mais il n'a plus aucune influence et s'en consolerait si sa pension n'était pas réduite à un lac de roupies, soit 100 000 roupies ou 250 000 francs environ, qui constitue à peine l'argent de poche d'un nabab d'autrefois. Bénarès, comme presque toutes les villes de la vallée du Gange, fut touché un instant par la grande insurrection de 1857. À cette époque, sa garnison se composait du 37e régiment d'infanterie native, d'un corps de cavalerie irrégulière, d'un demi-régime en sikh. En troupes royales, elle ne possédait qu'une demi-batterie d'artillerie européenne. Cette poignée d'hommes ne pouvait prétendre à désarmer les soldats indigènes. Aussi, les autorités attendirent-elles, non sans impatience, l'arrivée du colonel Neil, qui s'était mis en route pour Allahabad avec le 10e régiment de l'armée royale. Le colonel Neil entra à Bénarès avec 250 hommes seulement, et une parade fut ordonnée sur le champ de manœuvre. Lorsque les sipahis eurent été réunis, ordre leur furent donnés de déposer les armes. Ils refusèrent. La lutte s'engagea entre eux et l'infanterie du colonel Neil. Aux révoltés se joignirent presque aussitôt la cavalerie irrégulière, puis les sikhs qui se crurent trahis. Mais alors, la demi-batterie ouvrit son feu, couvrit les insurgés de mitraille, et malgré leur valeur, malgré leur acharnement, tous furent mis en déroute. Ce combat s'était livré en dehors de la ville. Au-dedans, il n'y eut qu'une simple tentative d'insurrection des musulmans, qui serrent le drapeau vert, tentative aussitôt avortée. Depuis ce jour, pendant toute la durée de la révolte, Bénarès ne fut plus troublé, même aux heures où l'insurrection parut être triomphante dans les provinces de l'Ouest. Banks m'avait donné ces quelques détails, tandis que notre gondole glissait lentement sur les eaux du Gange. « Mon cher ami, me dit-il, nous allons visiter Bénarès. Bien, mais si ancienne que soit cette capitale, vous n'y trouverez aucun monument qui compte plus de 300 ans d'existence. Ne vous en étonnez pas. C'est la conséquence des luttes religieuses dans lesquelles le fer et le feu ont joué un trop regrettable rôle. Quoi qu'il en soit, Bénarès n'en est pas moins une ville curieuse et vous ne regretterez pas votre promenade. » Bientôt, notre gondole s'arrêta à bonne distance pour nous permettre de contempler, au fond d'une baie bleue comme la baie de Naples, le pittoresque amphithéâtre des maisons qui s'étagent sur la colline et l'entassement des palais, dont tout un massif menace de s'écrouler par suite d'un fléchissement de leur base, incessamment minée par les eaux du fleuve. Une pagode népalaise, d'architecture chinoise, est consacrée à Bouddha, une forêt de tours, d'aiguilles, de minarets, de pyramidions que projettent les mosquées et les temples, dominés par la flèche d'or du lingam de Siva et les deux maigres flèches de la mosquée d'Aurangzeb, couronnent ce merveilleux panorama. Au lieu de débarquer immédiatement à l'un des ghats ou escaliers qui relient les rives à la plateforme des berges, Banks fit passer la gondole devant les quais dont les premières assises baignent dans le fleuve. Je retrouvai là une reproduction de la scène de Gaïa, mais dans un autre paysage. Au lieu des forêts vertes du Falgou, c'étaient les arrière-plans de la ville sainte qui faisaient le fond du tableau. Quant au sujet, il était à peu près le même. En effet, des milliers de pèlerins couvraient la berge, les terrasses, les escaliers, et venaient dévotement se plonger dans le fleuve par triple ou quadruple rangée. Il ne faudrait pas croire que ce bain fût gratuit. Des gardiens, en turban rouge, sabre au côté, occupant les dernières marches des ghats, exigeaient le tribut en compagnie d'industrieux brahmanes qui vendaient des chapelets, des amulettes ou autres ustensiles de piété. En outre, il y avait non seulement des pèlerins qui se baignaient pour leur propre compte, mais aussi des trafiquants dont l'unique commerce était de puiser à ces eaux sacro-saintes pour les colporter jusque dans les territoires éloignés de la péninsule. Comme garantie, chaque fiole est marquée du sceau des brahmanes. On peut croire cependant que la fraude s'exerce sur une vaste échelle, tant l'exportation de ce miraculeux liquide est devenue considérable. « Peut-être même, me dit Banks, toute l'eau du Gange ne suffirait-elle pas aux besoins des fidèles ?» Je lui demandai alors si ces baignades n'entraînaient pas souvent des accidents, qu'on ne cherchait guère à prévenir. Il n'y avait pas là de maître nageur pour arrêter les imprudents qui s'aventuraient dans le rapide courant du fleuve. « Les accidents sont fréquents, en effet, » me répondit Banks. « Mais si le corps du dévot est perdu, son âme est sauvée. Aussi n'y regarde-t-on pas de trop près. » « Et les crocodiles ?» ajoutai-je. « Les crocodiles, » me répondit Banks, « se tiennent généralement à l'écart. Tout ce bruit les effraie. Ce ne sont pas ces monstres qui sont à redouter, mais plutôt des malfaiteurs qui plongent, se glissent sous les eaux, saisissent les femmes, les enfants, les entraînent et leur arrachent leurs bijoux. On cite même un de ces coquins qui, coiffé d'une tête mécanique, a longtemps joué le rôle de faux crocodile et avait gagné une petite fortune à ce métier à la fois profitable et périlleux. En effet, un jour cet intrus a été dévoré par un véritable alligator et l'on n'a plus retrouvé que sa tête empotanée qui surnageait à la surface du fleuve. Du reste, il est aussi de ces enragés fanatiques qui viennent volontairement chercher la mort dans les flots du Gange et ils y mettent même quelques raffinements. Autour de leur corps est lié un chapelet d'urnes vides, mais débouchées. Peu à peu, l'eau pénètre dans ces urnes et les immerge doucement, aux grands applaudissements des dévots. Notre gondole nous eut bientôt amenés devant le Manmem Kagat. Là se superposent en étages les bûchers auxquels on a confié les cadavres de tous les morts qui ont quelques soucis de la vie future. La crémation, en ce lieu saint, est recherchée avidement des fidèles, et les bûchers brûlent nuit et jour. Les riches babous des territoires éloignés se font transporter à Bénarès dès qu'ils se sentent atteints d'une maladie qui ne leur pardonnera pas. C'est que Bénarès est sans contredit le meilleur point de départ pour le voyage dans l'autre monde. Si le défunt n'a que des fautes vénielles à se reprocher, son âme, emportée sur ses fumées du Manmemka, ira droit au séjour des félicités éternelles. S'il a été grand pêcheur, son âme, au contraire, devra préalablement se régénérer dans le corps de quelque brahmane à naître. Il faut donc espérer que pendant cette seconde incarnation, sa vie ayant été exemplaire, un troisième avatar ne lui sera pas imposé avant qu'il ne soit définitivement admis à partager les délices du ciel de Brahma. Nous consacrâmes le reste de la journée à visiter la ville, ses principaux monuments, ses bazars bordés de boutiques sombres à la mode arabe. Là se vendent principalement de fines mousselines d'un tissu précieux et le kinkob, sorte d'étoffe de soie brochée d'or, qui est un des principaux produits de l'industrie de Bénarès. Les rues étaient proprement entretenues, mais étroites, comme il convient aux cités que les rayons d'un soleil tropical frappent presque normalement. Si l'on y trouvait de l'ombre, la chaleur y était encore étouffante. Je plaignais les porteurs de notre palanquin, qui cependant ne semblaient pas trop se plaindre. D'ailleurs, ces pauvres diables avaient là une occasion de gagner quelques roupies, et cela suffisait à leur donner force et courage. Mais il n'en était pas ainsi d'un certain hindou, ou plutôt un Bengali, à l'œil vif, à la physionomie rusée, qui sans trop chercher à s'en cacher, nous suivit pendant toute notre excursion. En débarquant sur le quai de Manmem Kagat, j'avais, en causant avec Banks, prononcé à voix haute le nom du colonel Munro. Le Bengali, qui regardait accoster notre gondole, n'avait pu s'empêcher de tressaillir. Je n'y avais pas fait attention plus qu'il ne convenait, mais ce souvenir me revint lorsque je retrouvais cette espèce d'espion incessamment attaché à nos pas. Il ne nous quittait que pour se retrouver devant ou derrière, quelques instants plus tard. Était-ce un ami ou un ennemi? Je ne savais, mais c'était un homme pour qui le nom du colonel Munro, à coup sûr, n'était pas indifférent. Notre palanquin ne tarda pas à s'arrêter au bas du large escalier de 100 marches qui monte du quai à la mosquée d'Aurangzeb. Autrefois, les dévots ne gravissaient qu'à genoux cette sorte de Santa Scala, à l'imitation des fidèles de Rome. C'était alors le temple de Vishnu qui se dressait à cette place, auquel s'est substituée la mosquée du conquérant. J'aurais aimé à contempler Bénarès du haut de l'un des minarets de cette mosquée, dont la construction est regardée comme un tour de force architecturale. Haut de 132 pieds, ils ont à peine le diamètre d'une simple cheminée d'usine et pourtant, un escalier tournant se développe dans leur fût cylindrique. Mais il n'est plus permis d'y monter, et non sans raison, Déjà, ces deux minarets s'écartent sensiblement de la verticale, et moins doués de vitalité que la tour de Pise, ils finiront par tomber quelques jours. En quittant la mosquée d'Aurangzeb, je retrouvai le Bengali qui nous attendait à la porte. Cette fois, je le regardai fixement, et il baissa les yeux. Avant d'attirer l'attention de Bang sur cet incident, je voulais voir si la conduite équivoque de cet individu persisterait, et je ne dis rien. C'est par centaines que les pagodes et les mosquées se comptent dans cette merveilleuse ville de Bénarès. Il en est de même de ces splendides palais, dont le plus beau, sans contredit, appartient au roi de Nagpur. Peu de rajas, en effet, négligent d'avoir un pied-à-terre dans la cité sainte, et ils y viennent à l'époque des grandes fêtes religieuses de Mela. Je ne pouvais avoir la prétention de visiter tous ces édifices dans le peu de temps dont nous disposions. Je me bornai donc à rendre visite au temple de Bishewar, où se dresse le lingam de Siva. Cette pierre informe, regardée comme une partie du corps du plus farouche des dieux de la mythologie hindoue, recouvre un puits dont l'eau croupissante possède, dit-on, des vertus miraculeuses. Je vis aussi le mont Karnika, ou la fontaine sacrée, dans laquelle se baignent les dévots pour le plus grand profit des brahmanes, puis le Man Mundir, observatoire bâti il y a 200 ans par l'empereur Akbar, et dont tous les instruments, d'une immobilité marmoréenne, ne sont que figurés en pierre. J'avais aussi entendu parler d'un palais des singes que les touristes ne manquent pas de visiter à Bénarès. Un Parisien devait naturellement croire qu'il allait se retrouver devant la célèbre cage du jardin des plantes. Il n'en était rien. Ce palais n'est qu'un temple, le Durga Kund, situé un peu en dehors des faubourgs. Il date du IXe siècle et compte parmi les plus anciens monuments de la ville. Les singes n'y sont point enfermés dans une cage grillée. Ils errent librement à travers les cours, sautent d'un mur à l'autre, grimpent à la cime d'énormes manguiers, se disputent à grands cris les grains grillés dont ils sont très friands, et que les visiteurs leur apportent. Là, comme partout, les brahmanes, gardiens du Durga Kund, prélèvent une petite rétribution qui fait évidemment de cette profession une des plus lucratives de l'Inde. Il va sans dire que nous étions passablement fatigués par la chaleur lorsque, vers le soir, nous songeâmes à revenir à Steam House. Nous avions déjeuné et dîné à Sekroll, dans un des meilleurs hôtels de la ville anglaise, et cependant, je dois dire que cette cuisine nous fit regretter celle de M. Parhasard. Lorsque la gondole revint au pied du Ghat pour nous ramener à la rive droite du Gange, je retrouvai une dernière fois le Bengali, à deux pas de l'embarcation. Un canot, monté par un hindou, l'attendait. Il s'embarqua. Voulait-il donc passer le fleuve et nous suivre encore jusqu'au campement? Cela devenait très suspect. « Banks, dis-je alors à voix basse, en montrant le Bengali, voici un espion qui ne nous a pas quittés d'une semelle. »« Je l'ai bien vu, » répondit Banks, « et j'ai observé que c'est le nom du colonel prononcé par vous qui lui a donné l'éveil. »« N'y a-t-il pas lieu, » dis-je alors. « Non, laissons-le faire, » répondit Banks. « Mieux vaut qu'il ne se sache pas soupçonner. D'ailleurs, il n'est déjà plus là. » En effet, le canot du Bengali avait déjà disparu au milieu des nombreuses embarcations de toutes formes qui sillonnaient alors les sombres eaux du Gange. Puis Banks, se retournant vers notre marinier, « Connais-tu cet homme ?» lui demanda-t-il d'un ton qui affectait l'indifférence. « Non, c'est la première fois que je le vois, » répondit le marinier. La nuit était venue. Des centaines de bateaux pavoisés, illuminés de lanternes multicolores, remplis de chanteurs et d'instrumentistes, se croisaient en tous sens sur le fleuve en fête. De la rive gauche s'élevaient des feux d'artifice très variés, me rappelant que nous n'étions pas loin du céleste empire où ils sont en si grand honneur. Il serait difficile de donner une description de ce spectacle qui était vraiment incomparable. À quel propos se célébrait cette fête de nuit qui paraissait improvisée et à laquelle les hindous de toute classe prenaient part, je ne peux le savoir. Au moment où elle finissait, la gondole avait déjà accosté l'autre rive. Ce fut donc comme une vision. Elle n'eut que la durée de ces feux éphémères qui illuminèrent un instant l'espace et s'éteignirent dans la nuit. Mais l'Inde, je l'ai dit, révère 300 millions de dieux, sous-dieux, saints et sous-saints de toute espèce, et l'année n'a même pas assez d'heures, de minutes et de secondes qui puisse être consacrée à chacune de ces divinités. Lorsque nous fûmes de retour au campement, le colonel Munro et McNeil y étaient déjà revenus. Banks demanda au sergent s'il ne s'était rien produit de nouveau pendant notre absence. « Rien, » répondit McNeil. Vous n'avez vu rôder aucune figure suspecte ? Aucune, monsieur Banks. Est-ce que vous auriez quelque motif de soupçonner ? Nous avons été espionnés pendant notre excursion à Bénarès, répondit l'ingénieur, et je n'aime pas qu'on nous espionne. Cet espion, c'était un Bengali, auquel le nom du colonel Munro a donné l'éveil. Que peut nous vouloir cet homme ? Je ne sais, McNeil, il faudra veiller. On veillera, répondit le sergent.